Déjà les pommiers roses et les cerisiers blancs me rappellent les souvenirs du bon vieux temps. Ce ne sont toujours que des arbres aux fruits sauvages, mais à leurs pieds je voudrais verser mes larmes couleur d'ange. Ce cerisier rouge qui me jeta un sort fut avec moi le premier à voir des cheveux d'or. Maintenant, je suis toute seule à partager mes souvenirs, mais surtout les arbres que le printemps fait fleurir. Chaque fleur est une corbeille de dentelle où je revois mes plus beaux instants d'aquarelle. Ce cerisier rouge qui me jeta un sort fut avec moi le premier à voir des cheveux d'or. Déjà les pommiers roses et les cerisiers blancs me rappellent les souvenirs des bons vieux temps. Ce ne sont toujours que des arbres aux fruits sauvages, mais à leurs pieds je voudrais verser mes larmes couleur d'ange. Ce cerisier rouge qui me jeta un sort fut avec moi le premier à voir des cheveux d'or. Ce cerisier rouge qui me jeta un sort fut avec moi le premier.